إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons cette série intitulée Les étapes de l'au-delà. Lors du cours d'hier, nous avions fini de parler de l'état des musulmans désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala et la façon par laquelle ils seront ressuscités et rassemblés le jour du jugement en fonction des péchés qu'ils auront commis. De même que nous avions entamé la description de la situation des vertueux, des alliés d'Allah, des pieux, des rapprochés de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et nous avions vu qu'ils ne seront pris ni de peur ni de tristesse. Ils ne seront pas paniqués comme le seront la plupart des gens le jour du jugement. Parce qu'ils se sont préparés de leur vivant, ils se sont préparés pour ce jour en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Ils redoutaient ce jour dernier de leur vivant. Allah subhanahu wa ta'ala leur transformera cette peur qu'ils avaient du jour dernier durant leur vivant sera tranquillité et sérénité le jour du jugement. Également, ces pieux et vertueux auront les visages illuminés, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran, le verset 107. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Leurs visages seront donc illuminés. Ils seront également rayonnants, riants et réjouissants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ » Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Le jour du jugement, il y aura des catégories de personnes parmi ces pieux, ces vertueux, ces rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La terre du rassemblement, comme nous l'avons vu lors des cours précédents, est une terre immense, plane, une terre dans laquelle il n'y a ni repère, il n'y a ni plantation, ni arbre. Et nous avions vu également lors des cours précédents que ce jour du jugement, le soleil se rapprochera des créatures jusqu'à atteindre la distance d'un mille. Et nous avions vu que la distance d'un mille correspondait soit à peu près 4000 coudées, ou bien alors que al-mil dans ce hadith signifie ce bâtonnet que l'on utilise pour mettre du kuhl sur nos paupières. Dans tous les cas, c'est une distance extrêmement courte. Les gens, le jour du jugement, seront donc à la recherche d'endroits ombragés. Ils seront à la recherche d'ombre afin de se prémunir de cette forte chaleur qui aura pour conséquence une forte transpiration. Il y a des catégories de personnes parmi les pieux et vertueux qui seront le jour du jugement sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce jour extrêmement long d'une durée de 50 000 ans. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, ta'aruju al-malaikatu wal-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqadaruhu 50 000 ans. Les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Ces catégories de personnes auront ce privilège d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamu al-adil وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: sept catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et dans d'autres hadiths, cette parole du prophète alayhi salatu wassalam a été précisée lorsqu'il a dit alayhi salatu wassalam fi dhilli arshihi. Cette catégorie de personnes seront sous l'ombre de son trône, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam se complètent les uns les autres. Certains hadiths sont généraux et d'autres viennent les spécifier. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam va nous citer sept catégories de personnes qui auront ce privilège durant ce jour important d'être sous l'ombre, à l'abri de ce soleil qui se sera rapproché dangereusement d'eux. Il ne faut pas comprendre de ce hadith qu'il n'y a que sept catégories de personnes uniquement. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam en a cité sept, mais il y en a beaucoup plus, comme on le verra par la suite. Et Al-Hafidh ibn Hajar, Al-Asqalani, rahimahullah, en suivant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, a réunit sept autres catégories en dehors de celles citées dans ce hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. La première catégorie est Al-Imam Al-Adil, le gouverneur juste. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, et un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les jeunes sont tentés par de nombreuses choses, ils ont de l'énergie, ils sont instables. Ainsi, le fait qu'un jeune grandisse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse preuve de droiture, qu'il fasse preuve de persévérance dans l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, est une qualité indéniable qui lui donnera ce privilège d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Puis il dit alayhi salatu wassalam, et un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Et deux hommes qui s'aiment pour Allah, ils se réunissent pour lui et se séparent pour lui. Et ceci est une qualité qui malheureusement se perd à notre époque. Souvent, ce qui réunit les personnes, ce sont des intérêts communs qu'ils ont les uns aux autres. Quant à aimer son frère pour Allah subhanahu wa ta'ala, de l'appeler pour Allah subhanahu wa ta'ala, de lui rendre visite pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui rend visite ni pour un intérêt mondain, ni pour un intérêt financier, il lui rend visite pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, simplement pour prendre de ses nouvelles. Combien sont les personnes qui, lorsqu'elles reçoivent un appel téléphonique ou autre, lorsque la personne demande de ses nouvelles, la personne qui est appelée est dans l'attente, à savoir, « Oui, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire ou qu'as-tu à me demander ?» Pourquoi réagissons-nous de la sorte? Car malheureusement, des personnes qui nous appellent uniquement pour prendre de nos nouvelles, parce que un long moment s'est passé sans qu'il n'ait eu de nouvelles, cela l'a inquiété et l'a donc amené à appeler afin de prendre de ses nouvelles et de se rassurer sur son état. Ainsi était le prophète, alayhi salatu wassalam. Il était sans cesse dans la mosquée, alayhi salatu wassalam, en train de surveiller ses compagnons, radiyallahu anhum. Et lorsque il ne voyait pas un de ses compagnons, il s'empressait de demander après lui, « Où est un tel ? Qu'est devenu un tel ?» Ainsi était le prophète, alayhi salatu wassalam. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, revoir notre comportement sur ce sujet important, qui est le fait de s'aimer pour Allah, sans intérêt mondain. Et de la même façon que l'on se réunit et que l'on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut également éprouver de la répulsion et se séparer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et un homme dont une femme à la fois noble et belle l'appelle, c'est-à-dire l'appelle à commettre l'interdit, à commettre la fornication, faqala inni akhafu Allah, et lui répond, je crains Allah, j'ai peur d'Allah. Et un homme qui fait une aumône et la cache, de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Il ne donne pas pour que les gens disent de lui qu'il est bon, qu'il est généreux. Il donne parce que l'islam nous encourage à dépenser de nos biens, parce que l'islam nous encourage à aider les nécessiteux. Il le fait en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et non la satisfaction des gens, car il sait que la satisfaction des gens ne lui sera d'aucun bénéfice le jour du jugement. Il donne donc cette aumône en la cachant pour que les gens ne le voient pas donner, mais il cache également cette somme qu'il donne ou ce bien qu'il donne, de telle sorte que lui-même ne sait pas ce qu'il a donné et combien il a donné. Si le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu » de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et la septième catégorie citée dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam est un homme qui évoque Allah seul. Il évoque Allah alors qu'il est isolé des gens. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Et alors qu'il est en train d'évoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, ses yeux fondent alors en larmes. Et dans une version de l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. Dans la version de l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, il nous donne ici un supplément d'information en disant un homme qui est attaché aux mosquées du moment où il en sort jusqu'à ce qu'il y retourne. C'est un homme qui est donc attaché aux mosquées même lorsqu'il en sort. Lorsqu'il a accompli son devoir de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sort de la mosquée, son corps est à l'extérieur de la mosquée, mais son cœur, lui, reste attaché à la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner dès que possible. Également, ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala ont été cités dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, ayna al-mutahabbuna bijalali, al-yawm uzilluhum fi zilli, yawm la zilla illa zilli. » Il dit alayhi salatu wassalam, Allah dira le jour du jugement, « Où sont ceux qui s'aimaient pour ma majesté? Aujourd'hui, je les place sous mon ombre, le jour où il n'y a d'ombre que mon ombre. » Et ici, il faut le comprendre comme dans le hadith précédent, à savoir, sous l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala, comme cela est cité dans d'autres hadiths. Également, parmi les catégories de personnes qui auront ce privilège d'être sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, celui qui aura donné ou facilité à une personne en difficulté, celui qui aura retardé l'échéance d'une personne à qui il avait prêté une somme d'argent. Ceci est rapporté dans le hadith d'Abu al-Yasar radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim dans son sahih, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man anzara mu'sira aw wada'a anhu adhallahu Allahu » Celui qui retarde l'échéance d'un remboursement d'une dette, ou celui qui abolit cette dette, Allah le placera sous son ombre, c'est-à-dire sous l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala. Il y a ici le mérite de prendre en considération l'état du musulman qui est en difficulté. Une personne à qui l'on a prêté une somme d'argent, mais qui vient à nous pour nous faire part de la difficulté qu'il a à rembourser cette somme lors de la date convenue. Ainsi, lorsque cette situation se présente, il est fortement recommandé aux musulmans de retarder cette échéance et ce qu'il y a de mieux à faire pour celui qui en a la possibilité, la capacité, c'est d'abolir cette dette et de l'annuler. Celui qui agit ainsi aura ce privilège le jour du jugement, le jour où il n'y aura aucune ombre, hormis celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, bénéficieront d'un privilège le jour du jugement, ceux qui liront de leur vivant Sourate al-Baqarah et Sourate Ali Imran. Elles viendront le jour du jugement comme deux nuages. Dans le hadith d'Abu Umamah al-Bahili, radiyallahu anhu, il dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Iqra'u al-Qur'an » فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اِقْرَأُ الزَّهْرَى وَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانِ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. Il dit عليه الصلاة والسلام: Lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement comme intercesseur pour ses partisans. Lisez les deux illuminés, à savoir Sourate al-Baqarah et Sourate al-Imran. Ceci de par ce que ces deux sourates renferment comme jugement immense et comme morale, ainsi que ce qu'elles renferment comme exhortation extrêmement bénéfique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit alayhi salatu wa salam, car elles viendront le jour du jugement, c'est-à-dire ces deux sourates, ressemblant à deux nuages blancs, ou ressemblant à deux ombres, ou ressemblant à deux groupes d'oiseaux en rang, qui intercéderont en faveur de ceux qui les lisaient. Puis il dit alayhi salatu wassalam, lisez sourate al-Baqarah, car le fait de la lire et de la mettre en pratique est une bénédiction. La délaisser est une source de regret et ne peuvent la supporter les sorciers. Cela nous montre l'importance de lire le Coran de façon générale et d'occuper notre temps à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, nous devons consacrer le temps le plus précieux que nous avons pour lire le Coran. Cela doit être la priorité du musulman. Il ne doit pas mettre la lecture du Coran en second plan dans son programme quotidien, car le fait de lire le Coran adoucit les cœurs, guérit les cœurs malades. Le fait de lire le Coran nous rapproche de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le fait de lire le Coran fait en sorte que pour chaque lettre que nous lirons du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera au minimum 10 bonnes actions. Le fait de lire le Coran met également de la bénédiction dans notre temps. Ainsi, celui qui consacre une partie de sa journée à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala placera de la bénédiction dans son temps et pourra faire bien plus de choses que celui qui n'aura pas pris la peine de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lire ces deux sourates que sont sourate al-Baqarah et sourate al-Imran de façon particulière, car elles ont un grand mérite et elles intercéderont en faveur de ceux qui les lisent le jour du jugement. Également parmi les personnes qui seront soulagées des tourments du jour dernier, ceux qui aident les personnes nécessiteuses et ceux qui soulagent les personnes qui ont des soucis, également ceux qui cachent les gens dans cette vie d'ici-bas et ne dévoilent pas leur véritable état. Nul doute qu'un certain nombre de gens traversent dans leur vie des moments difficiles et l'islam nous encourage à l'entraide entre les musulmans. De nombreux hadiths vont dans ce sens, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, que cette communauté doit être soudée et que lorsqu'un membre est touché, c'est l'ensemble du corps qui est touché par la fièvre et l'insomnie. Celui donc qui vient en aide à son frère en difficulté, celui qui vient soulager un souci qui tracasse son frère en islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera également d'un des soucis et d'un des tourments du jour dernier. Également celui qui aura caché les défauts de son frère ou de sa sœur et ne se sera pas empressé de dévoiler cela au grand jour, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera le jour du jugement d'être dévoilé devant l'ensemble de ses créatures subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par l'imam muslim dans son sahih, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Celui qui soulage un croyant d'un souci mondain, Allah le soulagera d'un souci parmi les soucis du jour dernier. Et celui qui facilite à une personne en difficulté, Allah lui facilitera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah le protégera le jour du jugement ainsi que dans cette vie d'ici-bas. Puis il a dit alayhi salatu wassalam: Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhih. Allah ne cesse d'aider le serviteur tant que celui-ci aide son frère. Également parmi les personnes privilégiées le jour du jugement, ceux qui auront été justes dans leur jugement et dans leur relation avec leur famille et ceux qu'ils ont sous leur responsabilité. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-muqsitina inda Allahi ala manabira min nur, an yamin ar-Rahman azza wa jal, wa kilta yadayhi yamin, الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. Il dit عليه الصلاة والسلام: les justes seront sur des chairs surélevées, sur des chairs de lumière, à droite du tout miséricordieux. Puis il dit عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين, et ses deux mains sont droites. La croyance du musulman vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est que l'on attribue à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué subhanahu wa ta'ala ou lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans se demander comment ni interpréter ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué ou que lui a attribué son prophète alayhi salatu wassalam. Nous devons croire aux textes comme ils nous sont rapportés, car cela fait partie des choses invisibles. Et cela est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, mais il conclut ce verset en disant: mais c'est lui qui voit tout et c'est lui qui entend tout. C'est-à-dire qu'Allah azawajal voit tout, mais il ne voit pas comme ses créatures. Qu'Allah azawajal entend tout, mais il n'entend pas comme ses créatures. Car rien, absolument rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont dit: Kullu ma khatara bi balik, fallahu laysa kadhalik. Tout ce qui pourrait traverser ton esprit, eh bien sache qu'Allah n'est pas ainsi. Ainsi Allah azza wa jal s'est attribué deux mains, comme il se les a attribués lui-même, alayhi subhanahu wa ta'ala, et comme le lui a attribué son prophète, alayhi salatu wa salam. Allah a une main droite et Allah a une main gauche, comme nous l'avons vu dans les hadiths précédents, où Allah azawajal prendra les cieux de sa main droite et la terre de sa main gauche. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Et ses deux mains sont droites ». Les savants ont expliqué cette parole du prophète alayhi salatu wa salam en disant que, concernant les créatures, il est connu pour la plupart que la main gauche est plus faible que la main droite, que la main gauche n'a pas les mêmes caractéristiques que la main droite. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam a dit ici dans ce hadith que les deux mains d'Allah sont droites, ceci afin d'attester que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites et qu'il n'y en a pas une qui a un manquement vis-à-vis de l'autre. Les deux sont parfaites. Les deux mains d'Allah sont parfaites, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il faut comprendre ce hadith. Puis il dit, alayhi salatu wa salam, en donnant la description de ces personnes justes qui seront sur des chairs surélevées, des chairs de lumière, ils seront donc vus de tout le monde. Ils seront au-dessus des créatures parce qu'ils auront accompli une chose importante qui mérite que leur rang soit élevé le jour du jugement. Il dit, alayhi salatu wassalam, ceux qui sont justes dans leur jugement, ceux qui sont justes également dans leur famille, ils sont justes lorsqu'ils ont plusieurs épouses entre elles, ils sont justes entre ses enfants, entre leurs enfants, et ils sont justes également envers ceux, envers ces personnes qui sont sous leur responsabilité. Également, parmi les personnes qui seront privilégiées le jour du jugement, ceux qui retiennent leur colère. La preuve est le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. Il dit عليه الصلاة والسلام dans le hadith jugé bon rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi, celui qui retient sa colère ou sa rage en ayant la possibilité d'agir suite à cette colère et à cette rage. Il retient sa colère tout en ayant la possibilité d'agir en conséquence de celle-ci, comme frapper ou corriger une personne par exemple. Il se retient et cette colère ne se voit pas à son visage. Il la retient dans son for intérieur. Celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, l'appellera le jour du jugement devant tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira de choisir la houri, c'est-à-dire l'une des femmes parmi les femmes du paradis qu'il désirera. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui dominent leur rage et ne l'expriment pas. Il dit subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Puis Allah Azzawajal nous donne les caractéristiques de ces pieux en disant, dans le sens du verset, qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Le fait de retenir sa colère et de ne pas l'exprimer est une qualité importante chez le musulman. De retenir la colère, car de la colère découlent souvent de nombreux effets néfastes et conséquences mauvaises. Combien de personnes ont subi des injustices à cause de la colère? Combien de femmes se sont vues divorcer à cause de la colère? Combien de personnes ont été blessées à cause de la colère? Combien de personnes ont été tuées à cause de la colère? Combien d'insultes ont été proférées à cause de la colère? Ainsi, le musulman qui sait que cette colère ne peut le pousser qu'à faire le mal, la domine et fait en sorte qu'elle s'écrase à l'intérieur de lui et qu'elle ne s'exprime pas, ni dans les traits de son visage, ni dans ses mouvements. Parmi les personnes privilégiées le jour du jugement, al-mu'adhinoun, ceux qui font l'appel à la prière. Dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: al-mu'adhinoun atwalun nas a'naqan yawm al-qiyamah. Les appeleurs à la prière, ce seront les gens qui auront les coups les plus longs le jour du jugement. Ces appeleurs à la prière auront cette spécificité d'être plus grands que les autres le jour du jugement. Ainsi, ils seront reconnus de loin. Ceci en guise de récompense et pour montrer leur noblesse, car ce sont des personnes qui, de leur vivant, proclamaient la grandeur d'Allah, proclamaient l'unicité d'Allah, ils proclamaient l'attestation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et envoyé d'Allah. Ils appelaient à la prière, ils appelaient à la réussite, ils proclamaient cela dans les endroits les plus hauts. Ils proclamaient cela en élevant leur voix le plus haut possible. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera le jour du jugement en faisant en sorte qu'ils soient plus grands que les autres. Et les savants ont cité de nombreuses sagesses. Certains ont dit que les appeleurs à la prière se sortiront du lot et seront plus grands que les gens afin de voir avant les autres l'endroit qui leur est réservé au paradis. Et ainsi, les savants ont cité d'autres raisons. Mais la raison principale est le fait qu'Allah Azzawajal les élève le jour du jugement et qu'ils soient visibles. Ceci de par cette adoration noble qu'ils ont accomplie de leur vivant, à savoir l'appel à la prière. Et toute chose qui entendra l'appel à la prière viendra témoigner en faveur du muadhdhin, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: et toute chose qui entendra le muadhdhin, la voix du muadhdhin, parmi les djinns, les êtres humains ou toute autre chose, il attestera en sa faveur le jour du jugement. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Également, parmi ces personnes qui seront privilégiées le jour du jugement, ceux qui accomplissent les ablutions comme il se doit. Dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran ghurran muhajjalina min athari al-wudu'. Il dit alayhi salatu wassalam, ma communauté viendra le jour du jugement en ayant les visages, les mains, les pieds blancs et illuminés de par les ablutions qu'ils auront accomplies. Et ceci n'est accordé qu'à la communauté musulmane. Comme il le dit alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par l'imam muslim, « Lakum siyaman laysat li ahadim min al-umam taridun alayya ghurran muhajjalin min athar al-wudu. » Il dit alayhi salatu wassalam, « Vous aurez des signes et des choses qui vous caractériseront qui ne seront données à aucune autre communauté. Vous me serez présentés en ayant les visages, les mains et les pieds blancs et illuminés de par les ablutions. Ainsi, nous devons accomplir nos ablutions comme il se doit, de façon soignée, comme nous l'a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam. Et également, cela doit nous inciter à faire des ablutions avant chaque prière et de le faire également avant les prières surérogatoires, de façon complète, en lavant les membres comme il se doit, surtout les pieds jusqu'aux chevilles et en faisant attention également aux bras jusqu'aux coudes. Ainsi, nous serons ressuscités par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et nous serons présentés au prophète alayhi salatu wassalam en ayant les visages illuminés ainsi que nos mains et nos pieds. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين